car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle je trouvais le plus beau de sa jambe. Bon, je vais pas faire la même au fifre. Ouais, t'es bon, genre, écoutez, joue au fifre, je crois. Ça comme ça. Et tu joueras plus jamais le console. Mais c'est...